C'est dans l'enceinte du château royal d'Amboise que nous enregistrons ce MAG aujourd'hui et nous sommes accueillis par Samuel Bouchevalder, chargé de com' en ces lieux. Bonjour Samuel. Bonjour à tous, bonjour Marlène. Alors, un des récents événements marquants qui a eu lieu au château royal, c'est bien sûr la réouverture de la chapelle Saint-Hubert il y a quelques semaines maintenant. Est-ce que le château enregistre une fréquentation plus importante depuis que la chapelle est de nouveau visible ? Alors, plus importante, je ne suis pas sûr. On a toujours notre flux, hein. On est en haute saison, donc on a pas mal de monde au château. Ce qu'on peut constater, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que les gens sont vraiment très contents de découvrir ou de redécouvrir cette chapelle. Je pense notamment à nos auditeurs amboisiens. On a eu pas mal de visiteurs d'amboisiens là, dans les premières semaines, des gens qui sont venus effectivement en curieux. Mais c'est surtout ça en fait, c'est le bonheur des gens et puis notre bonheur à nous de le y voir s'émerveiller devant le travail qui a été réalisé parce que c'est vraiment spectaculaire. Donc beaucoup de locaux qui viennent voir leur château finalement. Leur château et leur chapelle. Hein. On le sait quand on habite en Amboise que la chapelle, c'est un peu comme un phare en Bretagne. Hein. C'est l'emblème de la ville, on la voit d'à peu près partout. Donc, et puis, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, on la voit plus que jamais hein, avec les dorures et puis tout le travail qui a été fait sur la toiture. C'est vraiment quelque chose qui maintenant attrape l'œil. Donc c'est vrai qu'elle est dans l'enceinte du château, mais c'est un peu la chapelle de tous les Amboisiens. Alors justement, la cérémonie officielle pour la chapelle, elle a marqué le lancement de la saison estivale au château royal. Alors il y a un super programme qui attend les visiteurs, aussi bien les locaux que les touristes évidemment. De juillet à septembre, il y a plein de rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous dérouler un peu ce programme, Samuel ? Oui, bien sûr. Alors là, on entre effectivement dans la partie copieuse de notre programme estival. Donc, ce dont je vous parlais en premier, c'est nos fameuses soirées pique-nique panoramiques et astronomiques qui sont devenues maintenant, ils sont un peu inscrits hein, dans le programme estival, notamment pour les Amboisiens. Donc, on rappelle le principe, hein, on a 8 soirées, donc on a 2 soirées de plus que l'an dernier. Donc, vous voyez qu'on monte encore en puissance. L'idée, c'est que vous puissiez venir avec votre pique-nique. Nous, notre petit café, il est ouvert, donc vous pouvez prendre des petits éléments de complément, notamment on vend des boissons. Et puis, vous vous installez sur les terrasses du château et vous profiter d'un concert. Donc il y a 8 dates au total, il y en a 5 en juillet et 3 en août. Alors en fonction, si vous aimez plutôt le jazz, si vous aimez plutôt la musique du monde, si vous aimez plutôt le rock, vous choisissez votre date. Et puis voilà, vous venez profiter de ce moment. L'idée, c'est vraiment de se dire, ces soirs-là, on oublie un petit peu l'aspect historique, on est vraiment sur le lieu, sur le moment qu'on partage, et puis sur cette vue assez incroyable, hein, puisque pour ceux qui connaissent les lieux, on s'installe sous le Grand Cèdre, donc on est vraiment comme dans un amphithéâtre, et on voit toute la Loire, et puis tous les paysages, et puis on voit surtout le soleil se coucher sur la Loire quand on a un petit peu de chance. Donc voilà, ça c'est l'idée. Donc 5 dates en juillet, 3 dates en août. Ce que j'insiste aussi, c'est que c'est plutôt des petits prix. Hein. Je veux dire, on est à 10€ pour les adultes, et on doit être autour de 7€, je crois, pour les enfants de 7 à 18 ans, gratuit pour les moins de 7 ans. Donc là, ça permet aussi à un prix un peu plus modéré, de venir refaire une visite au château, si on a envie. Pierre, c'est important ce que vous précisez, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vient à un pique-nique panoramique ou astronomique au château d'Amboise qu'on aura de la musique renaissance, on est bien sur quelque chose de plus large. Oui, tout à fait, c'est le choix qu'on a opéré, nous spécifiquement, on a d'autres moments, hein, on va retrouver de la musique classique ou de la musique renaissance, mais sur ces pique-niques panoramiques, on est plutôt sur de la musique moderne ou contemporaine, en tout cas on va dire, pour changer un petit peu. Très bien. Alors, les journées tellement royales, qu'est-ce que c'est ? Les 27 et 28 juillet. Donc ça, c'est aussi un autre grand classique hein, du château. Écoutez, c'est 2 jours durant lesquels on va essayer de mettre en marche la machine à voyager dans le temps et inviter les visiteurs qui seront là ce jour-là à découvrir plusieurs éléments. Donc on a toujours l'association des histoires qui sera là à la fois en costume pour, je dirais, faire de la déambulation et puis aussi, pour ceux qui ont envie de se lancer, apprendre un petit peu la danse renaissance. On en parlait tout à l'heure, donc on a aussi de la danse renaissance au château. On va avoir l'association des lames amboisiennes. Ça, c'est une nouveauté de année, hein, qui va nous proposer une restitution d'un campement médiéval. Donc là, on va voir comment ça fonctionnait. Il y a des tentes, voilà, toute la vie quotidienne d'un campement, comme ça pouvait se faire. Et puis, on a aussi d'autres habitués, hein, la compagnie Scaramouche, qui fait des démonstrations d'escrime de combat théâtralisée, et qui, pour les plus jeunes, hein, si vous avez des enfants, notamment des ados, des jeunes enfants, qui vont aussi leur faire des petits ateliers d'initiation à l'escrime de combat. Super, il y en a pour tous les âges. Parfait. Une soirée opéra également, je crois, est prévue pour la toute fin juillet. Ce sera le mardi 30 à 20h avec Raconte-moi la Traviata. Absolument. Alors là, je vous ai parlé des journées tellement royales et puis des pique-niques panoramiques qui sont des grands classiques du château. Là, cette année, c'est une nouveauté. Effectivement, on va avoir une soirée opéra avec la compagnie de l'opéra clandestin. Et donc là, c'est Raconte-moi la Traviata et on va être sur des œuvres de Rossini et de Mozart. Donc c'est vraiment un très beau moment. Donc comme toujours pour ces concerts-là, c'est un concert en extérieur. Donc on sera dans la cour d'honneur du château. Donc pour ceux qui connaissent, c'est à l'entrée du jardin de Naples. Donc pour peu qu'il fasse un peu beau, c'est vraiment une très belle soirée. Et puis ça permettra, la compagnie de l'opéra clandestin, c'est une compagnie qui vise à essayer de démocratiser l'opéra. Donc c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas un grand spécialiste, voire même si l'opéra vous fait peut-être un petit peu peur, vous dites je connais pas bien, ça va être un peu long, là on est vraiment sur quelque chose de très adapté et on va essayer de vous faire entrer de manière plus facile et aisée dans ce que peut être une œuvre d'opéra. Il est conseillé de réserver par contre. Oui, alors pour les pique-niques, il faut réserver. Les journées tellement royales, c'est pas nécessaire. Et puis pour la soirée opéra, bien sûr, hein, réserver aussi. Tout ça, ça se fait en ligne sur le site internet du château directement. www.chateau-amboise.com. Et ce n'est pas tout, puisque dans le courant de l'été, on peut également retrouver l'exposition chef-d'œuvre de Léonard de Vinci en gravure dans les collections de la BNF. Oui, alors un titre un peu long, mais qui dit bien tout l'intérêt de cette exposition. Effectivement, c'est la grande exposition de l'été. Donc, elle est présentée au niveau du deuxième étage du château, hein, dans les espaces Renaissance. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une très belle exposition qui a été montée avec la BNF, notamment. Et puis, on a des prêts du musée du Louvre, notamment. Donc là, ça, on va vraiment être sur la gravure. Donc, vous voyez, la gravure, hein, c'est cette technique qui, à la Renaissance, a permis de populariser les tableaux, les œuvres des grands maîtres. Et on va essayer de comprendre pourquoi Léonard de Vinci, qui pourtant d'habitude transforme en or tout ce qui touche, a un peu raté le train de la gravure à cette époque, à la différence de certains de ses contemporains, Raphaël, Michel-Ange par exemple. Et on va essayer de décortiquer, et vous allez voir, il y a des très belles œuvres, hein, des très beaux prêts, des objets très précieux qui sont présentés. Et pour ce faire, on a même construit une salle dans la grande salle. Donc pour ceux qui connaissent la grande salle du château, vous verrez, vous allez être surpris, il y a une grande salle qui a été construite à l'intérieur, de manière à pouvoir préserver et de la lumière et d'assurer une hydrométrie idéale pour ces œuvres qui sont d'une grande valeur. Et oui, on imagine tout le côté... Tout le côté organisationnel, absolument. Et puis enfin, les spectacles nocturnes Amboise Destinée Royale qui sont présentés par la troupe des Histoires d'Amboise. Voilà, troisième année pour ce spectacle qui a succédé au spectacle historique à la cour du roi François. Donc toujours avec, je vous rappelle le principe, hein, on est maintenant sur une déambulation, c'est-à-dire qu'on part avec les comédiens et comme ça, en partant d'Amboise gallo-romaine, on va aller jusqu'au 19e siècle en allant comme ça de spot en spot dans le château. Donc c'est dynamique, on n'est plus sur quelque chose d'assis qui pouvait être un petit peu long sur la fin. Là, on est vraiment sur quelque chose de dynamique. Ça s'adresse à tout le monde, hein, ça s'adresse aussi aux enfants, c'est très ludique et très amusant. Voilà, et ça, c'est tous les mercredis et tous les samedis soirs au mois de juillet et au mois d'août. Eh bien super, je crois qu'on a de quoi occuper notre été sans difficulté en ne venant qu'au château d'Amboise. On n'hésite pas à aller aussi chez nos camarades, hein, faut pas hésiter. Oui, on rappelle qu'il y a une très belle expo sur Léonard et les parfums, notamment au Clos Lucé en ce moment. Absolument, une très belle exposition, et l'exposition est très belle, j'ai eu l'occasion d'aller la voir, elle vaut vraiment le détour également. Merci Samuel, on vous souhaite un bel été et puis bon courage parce qu'il y a du boulot. Et on est content, et bien très bel été à toutes et à tous, et très bon été à l'équipe. Merci beaucoup.